Pour un mec de la piste, je suis gon solitaire, ignorant les mystères de la programmation. Je lance dur, mais le temps finira par m'avoir à l'usure. Le temps finira bien par m'avoir à l'usure. Mon maître de ballet voudrait bien m'entraîner, mais mon âme reste sourde à leurs appels du pied. Et les miens qui s'en mêlent, et mes rêves qui se vautrent sous la boule à facettes du regard des autres. Je l'endure, mais le temps finira par m'usurer. Le temps finira bien par m'avoir à l'usure. J'en sais les qui s'accrochent, des shows qui s'achèvent, à qui moche. Danser la vie m'épuise, mais personne ne me presse à sortir de la boîte pour finir dans une caisse. Je l'endure, mais le temps finira par m'avoir à l'usure. Le temps finira bien par m'avoir à l'usure. Merci beaucoup. Voici un morceau qui s'appelle Le sexe attend. Tapis dans l'odeur jaune d'une jungle de coton. Le sexe reprend sa source à cet instant. Messieurs du savoir, se ranouille dans le canon. Et le sexe est long à venir et plus long encore à revenir au-delà de la raison. Le sexe prend sa source à cet instant. Messieurs d'une science, se ranouille dans le canon. Ne plus pouvoir en avoir peu à peu. Petit à petit, les grands élans s'éloignent. Juste assez de poignes. Et l'ennui et le sexe attend ton heure comme un serpent. Tapis dans l'odeur jaune d'une jungle de coton. Le sexe reprend sa source d'un instant. Précieux du savoir, tu vas louer dans le canon. Et le sexe est long à venir. Et plus longtemps à revenir. Au-delà de la raison, le sexe prend. Thank you. j'aurais pu grimper jusqu'au ciel. Quand je voulais que tu m'expliques ce que j'avais déjà compris, tu venais d'arriver au fond. J'avais de la chance, une chance. Vous venez de mon jour, c'était normal. C'était brutal, brutal, brutal, brutal. Et toi, tu danses en colère, mais tu es tellement sans parti. Même si ça ne change rien, et bien sûr, ça n'a rien changé. Et des souris, c'était bête, simplement bête, c'est normal, simplement bête. C'était brutal, brutal, brutal, brutal. Dans la chambre, on est la chambre, on est entre ces gens, comme il en est possible. Et j'ai souri à blanc, et j'ai souri à blanc, et je m'en suis allé. Allez, allez, allez. Merci. Excusez-moi, je crois que j'ai une érection. Le roi Merdas. Le roi. Gloire, gloire, gloire, au fameux roi Merdas. merci beaucoup. Ce morceau s'appelle Remords. Visiter ma chambre, je laisse la lumière et nous pourrions écouter mes disques, discuter pendant des heures à propos des assurances risques ou des sept secrets du bonheur. Je dis ce que tu veux entendre, je tais ce que je vois, je brille quand tu veux me surprendre et quand tu trembles, je tremble avec toi. Pour respecter la nuit, oh. Nous pourrions même, si ça te tente, nous asseoir sur mon lit. Et nous pourrions écouter nos veines éclater à nos tempes. Oublier que tu es vilaine et que je ne suis pas Carigan. Nous pourrions nous forger les remords. Veux-tu visiter ma chambre? Je laisse pas la lumière. Parle du malaise des cadres. Déjà si là, Bravo Henri, bravo! Tout est joué depuis bien longtemps. Et hors de la tombe, là découvre le monde d'un soleil au très inquiétant. Car si tous les hommes sont frères en somme, tout est joué depuis bien longtemps. Et hors de la tombe, là découvre le monde d'un soleil au très inquiétant. Et lui a les lutins qui courent dans les champs. Ces petits interlines qui mènent à passer le temps. Merci. Merci beaucoup. Un morceau qui s'appelle Mon joli manège à trois. Sur le matelas de mon joli manège à trois, cheval de bois, cheval de trois, l'adrénaline attaque par surprise, mousquetaire à l'étroit, un pour tous et tous là pour ça, et plus tard est loin d'être là, alors veux-tu venir faire un tour sur mon joli manège à etc. sur mon joli manège à trois, quand les dadas du radada s'emballent, car à l'attaque de Billy Messiaen, à retournant à retourner, il n'y a qu'un pas, pas de géant ou faux pas, alors we'll be right back. De X centimètres au moins, difficile de s'avouer moyen de la tête aux pieds. Est assez long, assez dur. Si elle fuit à mesure qu'elle s'aperçoit, je ne suis pas des amours platoniques. Le roi, j'ai tellement honte d'avoir envie, tellement peur qu'elle me dise oui. J'ai 17 ans, je me sens sale. N'allez fait pas d'innocent, mais impatient, mon sexe est dur. Choix, au moins j'en ai le goût, mais pas toujours le bon. Car soyons francs, je ne vaux après tout, je le sens. Sans doute pas mieux que vous tous, égo. Sous la bouche du fusil, tous égo. Et demain, quand on savoir où j'en suis, et qui donc suis-je? Qui donc ai-je? La question me divise. Et la réponse, je l'imagine. J'ai sous les ronces de la vitrine. Alors en attendant, viens cueillir les fleurs sur ma langue. Je ne t'étonne pas si mes humeurs et n'en fait faner avant l'heure. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, on s'appelle Statuette. On va vous faire un petit morceau plus doux maintenant. Thank you. Merci beaucoup. Ce morceau s'appelle Éléphant. Parce qu'il parle d'un éléphant. Jetant la main vers la lune, un mystère suspendu à tes trois nénés. Oh, éléphant, éléphant, éléphant. Oh, je tu les tapes, les bandes fait me fuir, les rues me promènent au hasard. Le Seigneur est une frite à la dérive, la nature d'une femme au sourire salissant.